manger la haine, je me sens mal, c'est un problème. C'est de taille, regarde tes verres quand on taille. Putain de yel, c'est des rails. J'ai le beat qui compte deux secondes à manger de la honte jusqu'à la tombe. Regarde mon corps, mon cœur, ce combat est ciblé par la France. Pleure donc mon frère, c'est normal. Alien et chienne sont tout sales. Sale sans soleil, c'est le ciel, le seul sans sommeil, c'est le siècle. Taillé par le temps, t'attends. L'emporte dans le front distante. Tapis dans tes rêves, y'a pas de trêve. Force même aucune règle, marche crève. C'est la violence qui nous fait marcher en cadence, qui nous fait rentrer dans la danse. Et c'est la peur qui fait gagner au grand tout leur beurre à Paris sur nos terreurs. C'est la violence qui nous fait marcher en cadence, qui nous fait rentrer dans la danse. Et c'est la peur qui fait gagner au grand tout leur beurre à Paris sur nos terreurs. Maintenant j'ai la haine. Maintenant j'ai la haine. Maintenant j'ai la haine. Maintenant j'ai la haine. Dans la spirale infernale, je me sens vraiment trop banal. Toujours commencer les mêmes erreurs, toujours commencer les mêmes quarts d'heure. Inspiré par la haine, aspiré par le verre. Disloqué dans la scène, mon âme tournée à l'envers. C'est la violence qui nous fait marcher en cadence, qui nous fait rentrer dans la danse. Et c'est la peur fait gagner au grand tout leur beurre à parier sur nos terreurs. C'est la violence qui nous fait marcher en cadence, qui nous fait rentrer dans la danse. Et c'est la peur qui fait gagner au grand tout leur beurre à parier sur nos terreurs. L'ennui est la pire des tortures. Rien de stable, plus rien fait qu'on assure. C'est la connerie du siècle. Vraiment ça pue la défaite. Le gouvernement c'est vraiment trop la fête. Une caméra et Noël en jet. Faut changer le temps dès maintenant. Tout je sais que ça dépend. Je voudrais pas mourir poivre. Sur la patate en avoir trop gros. L'avenir me faut pas la scène. Faut toujours y arriver prêt. Putain ça m'irait. J'ai trop de gens qui te foutent 40 en plastique. Pas d'argent, pas de taf et pas de fric. Vois que des trains qui déraillent. Sous consommation monte ses failles. On s'identifie du poil. Doit venir de nos entrailles. C'est la violence qui nous fait marcher en cadence, qui nous fait rentrer dans la danse. Et c'est la peur qui fait gagner au grand tout leur beurre à parier sur nos terreurs. C'est la violence qui nous fait marcher en cadence, qui nous fait rentrer dans la danse. Et c'est la peur qui fait gagner au grand tout leur beurre à parier sur nos terreurs.